J'ai fait un rêve, t'avais pas de cas. Mais des coups d'épaule, même si c'est pas le cas. J'ai déjà eu Awa et Nora. Toi, tu me rappelles Amanda. J'ai vu dans tes yeux que je t'attire. Tu ne peux pas te mentir. Je ferai couler ton navire. Quitte-le. Ah, j'ai taclé ton petit cœur. Sans parler. Il te plaît, moi, je suis le meilleur. Tu l'as surcoté. Ah, tout doudou, je suis joueur, j'avoue. Doudou, je te veux comme la cour. Tout doudou, t'oublie le, je m'en fous. Tout doudou, baby, je te veux comme la coupe. J'ai plus aucun doute. Tu ne vois que moi sur ta route. Ton mec prend la rouge. Oh maman, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Eh, eh, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Eh, eh. Who be the boy you they give your attention? Girl, you know you dey give me depression. Over you, I feel enter recession. Want to win you, you're my ambition. I'm feeling lost in love. Though maybe it's all your fault. I don't care if you're ready or not. You better come, come follow me down the aisle, baby. I no go lose you to nobody. Stay with me, make we come buddy. Come buddy, come buddy. Oh my baby. My baby, I no go lose you to nobody. Stay with me, make we come body. Bay la o ma wa titi. Baby, je te veux comme la coupe. J'ai plus aucun doute. Tu ne vois que moi sur ta route. Ton mec prend un rouge. Oh maman, Sergio Ramos.